Bien avant le jour, je me levais pour commencer mon métier de cuisinière. Mélanie me montra comment on soulevait les énormes marmites. Il fallait autant d'adresse que de force. Il me fallut plus d'une semaine avant de pouvoir seulement les bouger de place. Ce fut encore Mélanie qui m'apprit à sonner la lourde cloche du réveil. Elle me montra comment on cambrait les reins pour tirer la corde. Je saisis vite le balancement du son régulier, et chaque matin, malgré le froid ou la pluie, j'avais un grand plaisir à sonner le réveil. La cloche avait un son clair que le vent augmentait ou diminuait, et je ne me lassais pas de l'entendre. Il y avait des jours où je sonnais si longtemps que Sœur Désirée des Anges ouvrait la fenêtre et me disait avec une moue suppliante « Assez, assez !» Depuis que j'étais aux cuisines, Véronique Lapinbèche affectait de regarder de côté en me parlant, et si je me renseignais près d'elle pour connaître la place d'un objet, elle me l'indiquait seulement d'un geste. Sœur Désirée des Anges la suivait des yeux en faisant une petite grimace du coin de la bouche. Elle n'avait plus sa pétulance de jeune novice, mais elle restait enjouée et moqueuse. Chaque soir, nous nous retrouvions dans notre chambre. Elle me forçait à rire par quelques remarques plaisantes sur ce qui s'était passé dans la journée. Il arrivait, parfois, que mon rire finissait en sanglots douloureux. Alors, elle appuyait ses mains l'une contre l'autre, comme les saintes, et elle disait en regardant en haut « Oh, comme je voudrais que votre chagrin s'en aille !» Puis elle s'agenouillait par terre pour prier, et souvent je m'endormais avant de l'avoir vue se relever. Le travail des cuisines m'était très pénible. J'aidais Mélanie au récurage des marmites, au lavage des dalles. C'est elle qui en faisait la plus grande partie. Elle était forte comme un homme et toujours prête à rendre service. Aussitôt qu'elle me voyait fatiguée, elle m'asseyait de force sur une chaise, et elle disait, avec une autorité souriante, « Prends ta récréation. » Dès les premiers jours de mon arrivée, elle m'avait rappelé la difficulté qu'elle avait eue à apprendre son catéchisme. Elle n'avait pas oublié que pendant toute une saison, j'avais passé toutes mes récréations à essayer de lui en faire retenir par cœur. Et maintenant, c'était une joie pour elle de me faire reposer un instant. Véronique était chargée de préparer les légumes et de recevoir la viande de boucherie. Elle se tenait raide et pincée près de la bascule où les garçons déposaient la viande. Elle se disputait souvent avec eux, trouvant toujours que les morceaux étaient coupés trop gros ou trop petits. Les garçons finirent par lui dire des injures, et Sœur Désirée des Anges me chargea de recevoir les bouchées à sa place. Elle vint tout de même le lendemain près de la bascule, mais j'étais là avec Sœur Désirée des Anges, qui m'expliquait la manière de peser. Un matin, un des deux bouchers poussa une exclamation en prononçant mon nom. Sœur Désirée des Anges s'approcha, et moi je regardais le garçon, toute surprise. C'était un nouveau, mais je ne fus pas longtemps à le reconnaître. C'était l'aîné des enfants de Jean le Rouge. Il s'avançait, tout joyeux de me rencontrer. Il parla tout de suite de ses parents, qui avaient enfin trouvé une bonne place au château du Gai-Perdu. Lui n'avait aucun goût pour le travail des champs, et il avait voulu rentrer chez un boucher de la ville. Il se reprit très vite pour me dire que le Gai-Perdu se trouvait tout près de Villevieille, et il me demanda si je le connaissais. Je fis un signe de tête pour dire que je le connaissais. Alors il continua, disant que ses parents y étaient installés depuis plusieurs mois, et qu'il y avait eu une belle fête la semaine dernière, à l'occasion du mariage de M. Henri Deslois. J'entendis encore quelques mots que je ne compris pas. Puis le jour éclatant des cuisines se changea en nuit noire, et je sentis que les dalles s'enfonçaient et m'entraînaient dans un trou sans fond. Je sentis encore que Sœur Désirée des Anges venait à mon secours, mais déjà une bête s'était accrochée à ma poitrine. Il sortait d'elle un bruit qui m'était très douloureux à entendre. C'était comme un horrible sanglot qui s'arrêtait toujours au même endroit. Puis le jour revint, et j'aperçus au-dessus de moi le visage de Sœur Désirée des Anges et celui de Mélanie. Elles souriaient toutes deux du même sourire inquiet, et le visage large de Mélanie avait une grande ressemblance avec le visage fin et décoloré de Sœur Désirée des Anges. Je me dressai sur le lit, tout étonné d'être couché en plein jour, mais je ne me levai pas. Le souvenir du petit Jean le Rouge me revint, et pendant des heures et des heures, j'essayais d'étouffer mon mal. Quand sœur Désirée des Anges entra dans la chambre à l'heure du coucher, elle s'assit sur le pied de mon lit. Elle mit encore ses mains comme les saintes, et elle me dit « Parlez-moi de votre peine. » Je parlais, et il me sembla que chaque mot que je prononçais emportait un peu de ma souffrance. Lorsque j'eus tout dit, sœur Désirée des Anges alla prendre l'imitation de Jésus-Christ, et elle se mit à lire tout haut. Elle lisait avec un accent doux et résigné, et il y avait des mots qu'elle traînait comme une plainte qui finit. Les jours suivants, je revis le petit Jean le Rouge. Il parla encore du guet perdu, et pendant qu'il disait le contentement de ses parents et la bonté du maître pour eux, je revoyais la maison de la colline, avec son jardin fleuri, et sa source dont le ruisseau descendait jusqu'à la petite rivière en se cachant sous les genêts. Je parlais souvent d'elle à sœur Désirée des Anges, qui m'écoutait avec recueillement. Elle en connaissait les alentours et les moindres recoins, et un soir qu'elle restait songeuse, et que je lui en demandais la raison, elle répondit en regardant au loin. « L'été va finir, et je pense que les arbres du jardin sont chargés de fruits. » Pendant le mois de septembre, beaucoup de religieuses vinrent rendre visite à la supérieure. Belle-Œil les annonçait par un coup de cloche. À chaque coup, Véronique sortait pour s'assurer de celle qui entrait. Elle avait un mot désagréable pour chacune des religieuses qu'elle reconnaissait. Vers le soir, il y eut encore un coup de cloche. Véronique, qui se trouvait sur la porte, cria. « Par exemple, en voilà une que personne n'attendait. » Et en rentrant seulement la tête dans les cuisines, elle nous dit « C'est sœur Marie-Aimée. » La grosse cuillère à peau m'échappa des doigts et glissa jusqu'au fond de la marmite. Je me précipitai vers la porte en bousculant Véronique qui voulait m'empêcher de passer. Mélanie courut derrière moi pour me retenir. « Reviens, disait-elle, la supérieure te voit. » Mais j'avais déjà rejoint sœur Marie-Aimée. Je m'étais jetée contre elle avec une si grande force que nous avions manqué de tomber ensemble. Elle m'entoura à plein bras. Elle était toute frémissante, comme transportée. Elle me prit la tête, comme si j'eusse été un tout petit enfant. Elle m'embrassa par tout le visage. Sa cornette faisait entendre un bruit de papier froissé, et ses larges manches reculaient vers ses coudes. Mélanie avait raison. La supérieure me voyait, elle sortait de la chapelle et s'avançait dans l'allée où nous étions. Sœur Marie-Aimée la vit. Elle cessa de m'embrasser pour poser sa main sur mon épaule, tandis que je passais vivement mon bras autour de sa taille, dans la crainte qu'elle ne m'éloignât d'elle. Toutes deux, maintenant, nous regardions venir la supérieure. Elle passa devant nous sans lever les yeux, et elle ne parut pas avoir vu le salut plein de gravité que lui fit sœur Marie-Aimée. Aussitôt qu'elle nous eut dépassés, j'entraînai sœur Marie-Aimée sur le vieux banc. Elle hésita et dit avant de s'asseoir, « On dirait que les choses nous attendent. » Elle s'assit sans s'adosser au tilleul, et je m'agenouillai dans l'herbe à ses pieds. Ses yeux n'avaient plus de rayons. On eût dit que les couleurs s'étaient mélangées, et tout son visage, si fin, s'était comme rapetissé et retiré au fond de sa cornette. Sa guimpe ne s'arrondissait plus comme autrefois sur sa poitrine, et ses mains laissaient voir leurs veines bleues. Son regard se posa à peine sur la fenêtre de sa chambre. Il passa sur les allées de tilleuls, il fit le tour de la grande cour carrée, et pendant qu'il s'arrêtait sur la maison de la supérieure, elle laissa échapper ses paroles comme un murmure. « Il faut bien pardonner aux autres si nous voulons qu'on nous pardonne. » Elle ramena son regard sur moi et elle dit « Tes yeux sont tristes. » Elle passa ses paumes sur mes yeux comme si elle voulait y effacer une chose qui lui déplaisait. Et, en les retenant fermées, elle dit de la même voix murmurante « Tant de souffrances passent sur nous. » Elle retira ses mains pour les mêler aux miennes et sans me quitter du regard, avec un accent plein de prière, elle me parla. « Ma douce fille, écoute-moi. Ne deviens jamais une pauvre religieuse. » Elle eut comme un long soupir de regret et elle reprit. « Notre habit noir et blanc annonce aux autres que nous sommes des créatures de force et de clarté. Et toutes les larmes s'étalent devant nous, et toutes les souffrances veulent être consolées par nous. Mais pour nous, Personne ne s'inquiète de nos souffrances, et c'est comme si nous n'avions pas de visage. » Puis elle parla d'avenir, elle disait « Je m'en vais où vont les missionnaires. Je vivrai là-bas, dans une maison pleine d'épouvante. J'aurai sans cesse devant les yeux toutes les laideurs et toutes les pourritures. » J'écoutais sa voix profonde. Il y avait au fond comme une ardeur. On eût dit qu'elle pouvait prendre pour elle seule toutes les souffrances de la terre. Ses doigts cessèrent de s'entrecroiser aux miens. Elle les passa sur mes joues et sa voix se fit très douce pour me dire « La pureté de ton visage restera gravée dans ma pensée. » Et pendant que son regard passait au-dessus de moi, elle ajouta « Dieu nous a donné le souvenir, et il n'est au pouvoir de personne de nous le retirer. » Elle se leva du banc, je l'accompagnai jusqu'à la sortie, et quand Belœil eut refermé sur elle la lourde porte, j'en écoutai un long moment le bruit sourd et prolongé. Ce soir-là, sœur Désirée des Anges vint plus tard dans la chambre. Elle avait assisté à des prières particulières pour le départ de sœur Marie-Aimée qui s'en allait soigner les lépreux.